Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste, avec aujourd'hui le plus toulonnais des humoristes, monsieur Yves Pujol. Salut à tous. Salut Yves et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Oh, une petite anecdote très très sympathique qui m'est arrivée avec les Chevaliers du Fiel. Ah. Parce que je travaille beaucoup avec eux et on a tourné un téléfilm qui s'appelle Noël à Miami. Uh-huh. Et donc, comme le nom l'indique, c'était à Miami. Mais bon, quand Eric Carrière m'a appelé en me disant « est-ce que tu veux venir avec nous à Miami ?» Bon, le connaissant, j'ai dit « bon, ça c'est une connerie encore, c'est quoi, c'est Miami avec YT à la fin, oui, c'est, voilà, oui. C'est à côté de Maubeuge, de Dunkerque, tu vois ?» Donc il m'a dit « non, mais si tu veux venir, tu veux pas venir ou tu veux venir ?» J'ai dit « oui, je viens. » Et du coup, voilà, donc on est parti à Miami. Et donc là-bas, on a fait plein de scènes très très sympas, et dont une qui m'a marqué, puisque en fait, ils devaient me jeter à l'eau, et je servais d'appât pour la grosse pêche aux requins. Donc t'imagines, eux sur un yacht, et moi attaché avec une ficelle, ils m'ont jeté à Miami, dans la baie de Miami. Mais, parce que l'idée, c'était que je sois attrapé par les requins pour qu'ils pêchent le requin. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que là-bas, il y a des requins. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des vrais requins là-bas ? C'est que quand c'est une fois que je me suis jeté à l'eau, mais je dis, on n'est pas à Toulon, là. On est à Miami, il y a des requins. C'est vrai, quoi. Ah oui, il est dans de la mer, ça s'est tourné là-bas, tu vois. Et j'ai flippé. Et la scène, on l'a refaite. Et eux, ils rigolaient. Ils étaient morts. Je dis, attendez, je vais me faire bouffer, les gars, arrêtez vos conneries, tu vois. Et on a rigolé, voilà. Donc c'était ma petite galère, mais, ouais. Galère, mais vraiment sympathique. Très sympathique. Et vous avez perdu combien de membres de l'équipe ? Ben rien, aucun, et moi-même, moi j'ai même pas perdu de maman, voilà. Bon, ça va, c'est déjà ça. Les requins, après je les ai vus, mais à Paris, après, c'est quand je suis retourné à Paris travailler avec les Parisiens. Mais oui, évidemment. C'est là qu'ils étaient, les requins. C'est les vrais requins, ceux-là. Exactement. Le showbiz, les requins du showbiz. Exactement. Quand on est parti à Miami, donc une fois que c'était acté qu'on partait à Miami, j'étais persuadé que mon passeport était bon, en fait. Mm-hmm. Et donc j'ai laissé passer le temps, et il y a 3 semaines de partir, il faut faire une demande, ce qu'on appelle un ESTA, c'est un papier spécifique qu'il faut faire quand tu vas en Amérique, qu'il faut remplir. Voilà. Et je l'ai fait tranquillement, mais à peine 3 semaines, quoi, plus de 15 jours. Et je lui dis, je suis tranquille, voilà. Et au moment de taper la validité de passeport, et mon passeport était plus valide. Oh, mais alors, c'était très compliqué, quoi. Mais j'ai dit, mais comment je vais faire ? Alors là, j'ai activé tous les réseaux possibles, mais je l'ai eu 2-3 jours avant, voilà. Donc j'ai prévenu les Chevaliers du Fiel, ils m'ont dit... je leur ai dit, je me démerde, les gars. Ils m'ont dit, on a confiance en toi, on sait que j'ai démarré. Et je l'ai eu. Ah oui. Je l'ai eu pile poil, 3 jours avant. J'ai eu, donc voilà. Du coup, je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant, que tu aies réussi à survivre à un requin ou à l'administration française. Ah, j'ai eu plus peur que l'administration française. Je pense aussi. Parce que les requins, tu peux discuter quand même, tu vois. Je suis totalement d'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces belles anecdotes. Merci à toi. Ouais, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça ? Donc, on tape Yves Le Facebook, Pujol. Ouais, Yves Pujol Facebook, sinon yvespujol.com. Ok, voilà. Ben parfait, avec grand plaisir. Salut. Ben merci beaucoup. Ciao, et ben pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous bien sûr et parlez-en autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.